Frémissante, grandie, elle gardait la porte. Un instant, ils restèrent immobiles, sans une parole, les yeux dans les yeux. Lui, le cou tendu, les mains en avant, allait se jeter sur elle pour passer. « Ôtez-vous de là !» murmura-t-il d'une voix rauque. « Je suis plus fort que vous, j'entrerai quand même !»« Non, vous n'entrerez pas, je ne veux pas !» Follement, il répétait. « Il y a un homme, il y a un homme !» Elle, ne daignant même pas lui donner un démenti, haussait les épaules. Puis, comme il faisait encore un pas, « Eh bien, mettons qu'il y ait un homme, qu'est-ce que cela peut vous faire? Ne suis-je pas libre ?» Il recula devant ce mot, qui le cinglait comme un soufflet. En effet, elle était libre. Un grand froid le prit aux épaules, il sentit nettement qu'elle avait le rôle supérieur et que lui jouait là une scène d'enfant malade et illogique. Il n'observait pas le traité, sa stupide passion le rendait odieux. Pourquoi n'était-il pas resté à travailler dans son cabinet? Le sang se retirait ses joues. Une ombre d'indicible souffrance blêmit son visage. Lorsque Flavie remarqua le bouleversement qui se faisait en lui, elle s'écarta de la porte, tandis qu'une douceur attendrissait ses yeux. « Voyez, » dit-elle simplement. Elle-même entra dans la chambre, une lampe à la main, tandis que Nantas demeurait sur le seuil. D'un geste, il lui avait dit que c'était inutile, qu'il ne voulait pas voir. Mais elle, maintenant, insistait. Comme elle arrivait devant le lit, elle souleva les rideaux. Et M. Desfondettes apparut, caché derrière. Ce fut pour elle une telle stupeur qu'elle eut un cri d'épouvante. « C'est vrai, » balbutia-t-elle éperdue. « C'est vrai, cet homme était là. Je l'ignorais. Oh, sur ma vie, je vous le jure !» Puis, par un effort de volonté, elle se calma. Elle parut même regretter ce premier mouvement qui venait de la pousser à se défendre. « Vous aviez raison, monsieur, et je vous demande pardon, » dit-elle à Nantas, en tâchant de retrouver sa voix froide.